Le père, il est parti là. Attention. Je vais partir sur la mesure 1. Et rien du tout, c'est déjà beaucoup. Attention. Hey, can you love to see? Putain, il fait de la guitare, bordel. Allez, laisse-le jouer la guitare. Quelque part, Qui c'est qui a du souffle comme ça là? C'est qui souffle? Putain, c'est toi Phil qui souffle. Oh, il y a du vent chez toi. You got it all of you to see. To see in field and old friend and no to no bro. You gave your love to me and love your own body too. Up the step into the fire. Up the step into the fire. I need you near. Someone, some plus item. Somewhere up the stairs to the fire. May your strength give you strength. May you think it is a bad. May you give us all. May your love bring us love. May your strength give you strength. May your faith give you faith. C'est nul. C'est nul à chier. Sont passés sans où sont les femmes. Thank you.